Laisse. Mais t'as un coude. Mais un coude. Okay. C'est un coude. Non. Ouais, tu peux pas l'enlever. Si, on peut l'enlever. La part tirée pour. C'est mieux par contre. T'attaques le montage, Alexis, s'il te plaît. Monsieur, Oui, tu peux commencer. J'ai pas pris. Fais attention à toi. Bonjour, je m'appelle Félicien, j'ai 41 ans, marié, 3 enfants. Je suis éducateur technique depuis 2 ans et demi. Avant, je travaillais dans la grande distribution, donc j'ai pris un virage à 360 degrés, littéralement. Alors ici, en atelier Habitat, les élèves sont initiés aux rudiments de l'électricité, de la plomberie, d'évacuation, pas encore d'arrivée d'eau. On découvre le métier de plaquiste, on fait un petit peu de maçonnerie légère, on fait pas mal de menuiserie, essentiellement à base de bois de récupération, notamment des palettes, pour aussi sensibiliser un petit peu à l'écologie, les matériaux de récupération, etc. Ici, on met évidemment l'accent sur tout ce qui est sécurité. Les élèves sont sensibilisés dès leur arrivée au port des équipements de protection individuelle. Les qualités que je demande, c'est une certaine rigueur, bien entendu. Néanmoins, je leur donne un petit peu de souplesse. Je tâche de les laisser travailler là où ils se sentent le plus à l'aise, en n'oubliant pas d'insister sur les lacunes qu'ils peuvent rencontrer, comme l'application de l'azur, de peinture, la précision dans les mesures, la fluidité dans les gestes, etc. quoi. Donc je pense que c'est un atelier assez complet, dans le sens où je fais appel à un éventail assez large de qualités. Je travaille beaucoup avec ma collègue psychomotricienne pour la psychomotricité fine, pour les petits gestes répétitifs, pour la tonicité musculaire, etc. Bah, comme les élèves le disent régulièrement, l'atelier Habitat, c'est chouette. J'ai régulièrement des filles dans mon atelier qui font aussi bien, voire mieux, mais je ne suis pas censé le dire, que les garçons. Effectivement, il y a certains a priori sur l'univers de l'atelier Habitat. Non, c'est pour les garçons ou c'est pour les gens qui sont très costauds physiquement. Alors, c'est pas tout à fait faux. Maintenant, c'est pas une vérité absolue. Il y en a pour tous les niveaux. De la même façon, j'avais pas mal d'appréhension vis-à-vis du bruit. J'ai quelques élèves qui ne voulaient absolument pas venir en atelier Habitat parce que c'est des machines, ça fait beaucoup de bruit, ça fait peur. Et finalement, ce sont des élèves qui petit à petit ont réussi à apprivoiser l'atelier Habitat, se sont rendus compte que les bruits, c'était évidemment le bruit que les machines font en étant en état de marche, évidemment, et qu'au final, c'était pas plus dangereux qu'un atelier qui ne faisait pas de bruit. Les projets qui vont venir seront un travail à l'appartement test. On a peut-être une remise en peinture totale de l'atelier. On a aussi les bureaux de Madame Douchin qui devraient être remis à neuf. On a notre couloir et notre vestiaire à remettre en peinture. Donc là, on a beaucoup de travaux axés autour de la peinture, préparation des murs, donc de l'enduit, du ponçage, de l'après et enfin de la peinture. Donc ça fera appel à un éventail très large de qualité que vous avez déjà su me montrer depuis le début de l'année. Je vais être capable, à mon avis, enfin, on verra si je me trompe, mais de reconnaître « Ah bah ça, c'est telle machine, ça c'est telle machine ». Je pourrais peut-être même reconnaître tel élève qui travaille. Je me demande si je ne vais pas réussir à reconnaître la façon de travailler d'un de mes élèves. On verra bien. J'ai hâte d'écouter ça en tout cas. Alors, je m'appelle Alexis, je suis en atelier Habitat, je suis en Pro LP et en ce moment en atelier on construit un box. Donc c'est pour ranger ce qui est matériel, etc. Il n'y a pas longtemps, on a fait des objets de Noël pour les vendre pour les écoles, etc. Donc ça rapporte des sous pour nous plus tard, pour les activités au mois de juillet. Donc ça nous fait plaisir, des personnes qui achètent. Donc c'est nous qui l'on fait de bon cœur. Et là, ils sont en train de faire le plâtre. C'est pour reboucher les trous, etc. Et donc, dans pas longtemps, on va refaire un atelier. Donc, on va refaire la peinture, ce qui est pôle service. On va refaire l'électricité dans un appartement de test à Outreau. Donc, en ce moment, on a plein de projets. Donc, en espérant qu'on va réussir. Et puis, pour l'habitat, c'est un bon atelier. Franchement, depuis que je suis arrivé, j'ai pas trop aimé, mais là, ça fait 2 ans que je suis, donc j'aime bien ce qu'est Habitat. Et donc, j'espère que plus tard, je travaillerai dans menuiserie ou carreleur. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans et je suis animé depuis 6 ans. Déjà, moi, je suis une personne de créativité. Donc Atelier Habitat me répond bien à ma que je voulais faire quoi. Et ce que j'aime dans Atelier Habitat, c'est plutôt le bois. Le bois c'est un matériau très comment je pourrais dire très maniable. J'ai déjà fait un support pour ordinateur. J'ai déjà fait des sapins en bois. J'ai déjà fait. Un amplificateur. En habitant, on peut faire plein de choses. Aller au garage, démonter des palettes, découpage des planches, couper, scier, démonter. Et à part ça, on peut faire plein d'autres choses comme le courant. Et assez circulaire, on peut utiliser pour. Des palettes pour les démonter au cas où. Mais il y a aussi un chantournier pour faire plein d'objets, décorations, des ventes, etc. Il faut avoir des gants, bleu de travail, lunettes de sécurité, casque anti-bris, masque, chaussures de sécurité, équipement de protection individuelle, EPI.